Amis humains, bonjour. Voici 5 à 2, la 5G s'avance masquée. Récits et vidéos d'une action contre la réintoxication du monde. Paru dans lundi matin 264, le 23 novembre 2020. Répondant à l'appel à une seconde vague d'action contre la réintoxification du monde, un collectif d'habitants finistériens en lutte contre l'installation d'une antenne 5G nous livre ce compte-rendu d'une étape de leur lutte ainsi qu'une vidéo. Un récit de deux jours dans les Monts d'Arrée, 29, autour du 17 novembre. 5 à 12, 16 novembre à l'aube. Le jour se lève sur le Ménédu. Ici c'est la lande, la brume, la terre rocailleuse. Saint-Cadou est un village de 200 habitants sur la commune de Cizun, dans les Monts d'Arrée, Finistère. Dans ce bocage humide, 6 fermes se partagent la colline. Elles pratiquent l'agriculture bio. 3 sont regroupées en GAEC. Depuis 3 ans, les gens de la colline se battent contre l'installation d'une antenne relais. Lundi 16 novembre à l'aube, les bûcherons ont débarqué sans prévenir. Malgré le confinement, de nombreuses personnes sont arrivées rapidement sur les lieux pour s'opposer à l'arrachage des arbres. En dépit des menaces et des amendes, elles ont occupé le terrain sans rien lâcher, en discutant avec les corps de métier, en opposant leur corps à l'escouade de gendarmerie dépêchée sur les lieux pour tenter de frayer un passage à la pelleteuse, et enfin en grimpant aux arbres qui devaient être abattus. En fin de matinée, un arbre avait été coupé et les différentes entreprises, géomètres, bûcherons et terrassiers, ont rebroussé chemin. Les travaux ont été suspendus pour une durée indéterminée. Mardi soir 17 novembre à 18h, le bourg de Saint-Cadou s'est empli de rires, de lumières et de cris d'enfants, munis de lanternes, de flambeaux et de banderoles en tout genre, 80 personnes se sont retrouvées sur la place du village. Heureux de partager cette victoire dans une époque où elles sont particulièrement précieuses. Aujourd'hui, il est interdit de sortir sans attestation, des décrets à la chaîne contraignent à l'isolement, prétendent imposer leurs règles dans les corps et les habitudes les plus intimes. Et pourtant des habitants se retrouvent et se serrent les coudes, des gens sortent de chez eux. Pour répondre à l'appel du 17 novembre contre la réintoxication du monde, pour ne pas subir chez soi l'arsenal de lois insensées que le gouvernement veut faire passer en force. Ici il n'y a pas de drive, il n'y a pas de night shop, quand ça capte ça coupe, on n'est pas venu ici pour rien. Il y a ceux qui sont nés là, il y a ceux qui ont débarqué il y a 30 ans, ou bien il y a 5 ans, mais les manières de vivre, elles se transmettent. Ici on va chez ses voisins quand on a quelque chose à leur dire, c'est ça la politesse. Ici quand il commence à pleuvoir, on sait qu'on est parti pour des semaines, et qu'on sera entre nous. Les gens qu'ils soient nos copains ou pas, on vit avec. Le voisin on le reconnaît au bruit de moteur de sa voiture, de son tracteur. C'est nous le pays, c'est nous le paysage. Même si la démocratie française a rarement autant ressemblé à une dictature, dans les coins de pays où des gens se connaissent, se font confiance, prennent le temps de penser ensemble, le gouvernement échoue à faire respecter ses ordres et insuffler sa peur. D'autres comptes rendus d'action sont disponibles à cette adresse, https://agir17.noblo.org. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.